Premier livre des Rois, chapitre 9. Or après que Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, et la maison royale, et tout ce que Salomon avait pris plaisir et souhaité de faire, l'Éternel lui apparut pour la seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, « J'ai exaucé ta prière, et la supplication que tu as faite devant moi, j'ai sanctifié cette maison que tu as bâtie pour y mettre mon nom éternellement, et mes yeux et mon cœur seront toujours là. Quant à toi, si tu marches devant moi comme David ton père a marché, en intégrité et en droiture de cœur, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu gardes mes statuts et mes ordonnances, alors j'affermirai le trône de ton royaume sur Israël à jamais, selon que j'en ai parlé à David ton père, en disant, il ne te sera point retranché de successeur sur le trône d'Israël mais si vous et vos fils, vous vous détournez de moi, et que vous ne gardiez pas mes commandements et mes statuts, lesquels je vous ai proposés, et que vous vous en alliez et serviez d'autres dieux, et que vous vous prosterniez devant eux, je retrancherai Israël de dessus la terre que je leur ai donnée, et je rejetterai de devant moi, cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera en dérision et en moquerie à tous les peuples. Et quant à cette maison qui aura été haute et élevée, quiconque passera auprès d'elle sera étonné, et sifflera, et on dira, pourquoi l'Éternel a-t-il fait ainsi à ce pays, et à cette maison? Et on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui avait tiré leur père hors du pays d'Égypte, et qu'ils se sont arrêtés à d'autres dieux, et se sont prosternés devant eux, et les ont servis, à cause de cela l'Éternel a fait venir sur eux tout ce mal. Or il arriva qu'au bout des 20 ans, pendant lesquels Salomon bâtit les deux maisons, la maison de l'Éternel, et la maison royale, Hiram roi de Tyr ayant fait amener à Salomon du bois de cèdre, du bois de sapin, et de l'or, autant qu'il en avait voulu, le roi Salomon donna à Hiram 20 villes dans le pays de Galilée. Et Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que Salomon lui avait données, lesquelles ne lui plurent point. Et il dit, « Quelle ville m'as-tu donnée, mon frère ?» Et il les appela, pays de Kabul, qui a été ainsi appelé jusqu'à ce jour. Hiram avait aussi envoyé au roi 20 talents d'or. Or le roi Salomon imposa un tribut, pour bâtir la maison de l'Éternel, et sa maison, et Milo, et la muraille de Jérusalem, et Hatsor, et Megiddo, et Gézé, car Pharaon roi d'Égypte était monté, et avait pris Gézé, et l'avait brûlé, et il avait tué les Cananéens qui habitaient en cette ville, mais il la donna pour dot à sa fille, femme de Salomon. Salomon donc bâtit Gézé, et Bétharon la basse, et Baalat, et Tadmor, au désert qui est au pays, et toutes les villes de munitions qu'eut Salomon, et les villes où il tenait ses chariots, et les villes où il tenait ses gens de cheval, et ce que Salomon prit plaisir de bâtir à Jérusalem, et au Liban, et dans tout le pays de sa domination et quant à tous les peuples qui étaient restés des Amoréens, des Éthiens, des Phéréziens, des Éviens, et des Jébusiens qui n'étaient point des enfants d'Israël, savoir quant à leurs enfants, qui étaient demeurés après eux au pays, et que les enfants d'Israël, n'avaient pu détruire à la façon de l'interdit, Salomon les rendit tributaires, et les asservissent jusqu'à ce jour. Mais Salomon ne souffrit point qu'aucun des enfants d'Israël fût asservi, mais il était gens de guerre, et ses officiers, et ses principaux chefs, et ses capitaines, et chefs de ses chariots, et ses hommes d'armes. Il y en avait aussi 550. Qui étaient les principaux chefs de ceux qui étaient établis sur l'ouvrage de Salomon, lesquels avaient l'intendance sur le peuple qui faisait l'ouvrage Zeroer, la fille de Pharaon monta de la cité de David dans sa maison, que Salomon lui avait bâtie, et alors il bâtit Milo. Et 3 fois par an Salomon, offrait des holocaustes et des sacrifices de prospérité sur l'autel qu'il avait bâti à l'Éternel, et faisait des parfums sur celui qui était devant l'Éternel, après qu'il eut achevé la maison. Le roi Salomon équipa aussi une flotte à Etsion-Guébé, qui est près d'Elot, sur le rivage de la mer Rouge, au pays d'Édom. Et Hiram envoya de ses serviteurs, gens de mer, et qui entendaient la marine, pour être avec les serviteurs de Salomon dans cette flotte. Et ils allèrent en Ophir, et prirent de la 420 talents d'or, lesquels ils apportèrent au roi Salomon.